Do you have? As-tu? As-tu? Is she? Est-elle? Est-elle? Does he like? Aime-t-il? Aime-t-il? Has she had enough? A-t-elle assez de? A-t-elle assez de? You did it. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Is not it. N'est-ce pas? N'est-ce pas? You didn't do it. Tu ne l'as pas fait? Tu ne l'as pas fait? When do you? Quand est-ce que vous? Quand est-ce que vous? Where are they? Où est-ce qu'il? Où est-ce qu'il? It started to. Il a commencé à. Il a commencé à. You seem like. Tu as l'air de. Tu as l'air de. I did not understand. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. You seem to think that. Tu as l'air de penser que. Tu as l'air de penser que. Went. Est allé. Est allé. After that. Après ça. Après ça. Last night I saw. Hier soir j'ai vu. Hier soir j'ai vu. He tells us all the time that he is. Il nous dit tout le temps qu'il est. Il nous dit tout le temps qu'il est. I don't know if there really was. Je ne sais plus s'il y avait vraiment. Je ne sais plus s'il y avait vraiment. In any case. En tout cas. En tout cas. He was late today. Il était en retard aujourd'hui. Il était en retard aujourd'hui. When did you see? Quand est-ce que vous avez vu? Quand est-ce que vous avez vu? Pierre didn't succeed in sleeping that night. Pierre n'a pas réussi à dormir cette nuit. Pierre n'a pas réussi à dormir cette nuit. This summer. Cet été. Cet été. Wants to do. Veut faire du. Veut faire du. It is necessary that it. Il faut qu'il. Il faut qu'il. It would be really helpful for us. Ce serait vraiment utile pour nous. Ce serait vraiment utile pour nous. We can do without. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Do you think that you can? Crois-tu que tu pourras? Crois-tu que tu pourras? It helped me. M'a aidé à. M'a aidé à. Although he has a lot of. Bien qu'il ait beaucoup de. Bien qu'il ait beaucoup de. Although it has a lot of. Bien qu'il ait beaucoup de. Bien qu'il ait beaucoup de. It's already. C'est déjà. C'est déjà. He thinks that when we. Il pense que quand on. Il pense que quand on. Able to do that. Capable de faire ça. Capable de faire ça. Is to try to. C'est d'essayer de. He's trying to. Il essaye de. Il essaye de. What? Ce qui. Ce qui. What is interesting with? Ce qui est intéressant avec. Ce qui est intéressant avec. Not everyone has the same. Tout le monde n'a pas le même. Tout le monde n'a pas le même. It is not necessary to have. Il ne faut pas avoir. Il ne faut pas avoir. Because you want to. Parce que vous voulez. Parce que vous voulez. We cannot. On ne peut pas. On ne peut pas. It is going to be. Ça va être. Ça va être. To make mistakes. De faire des erreurs. De faire des erreurs. Even these people will do. Même ces personnes font des. Même ces personnes font des. It is not a big deal. Ça, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? It means. Ça veut dire. Ça veut dire. According to the. En suivant le. En suivant le. It does not depend on. Il ne dépend pas de. Il ne dépend pas de. It only depends on. Il dépend seulement de. Il dépend seulement de. But in general there. Mais en général les. Mais en général les. We say that an individual. On dit qu'un individu. On dit qu'un individu. Never. Jamais. Jamais. When she tries to. Quand elle essaye de. Quand elle essaye de. You are not going to make any. Vous n'allez pas faire de. Vous n'allez pas faire de. We must try to. Il faut essayer de. Il faut essayer de. Is going to make. Va faire. Va faire. That he does not know. Qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. It is for this that I think that it is. C'est pour ça que je pense qu'il est. C'est pour ça que je pense qu'il est. Better. De mieux. De mieux.